Matthieu chapitre 11. Et il arriva que quand Jésus eut achevé de donner ses ordres à ses 12 disciples, il partit de là, pour aller enseigner et prêcher dans leur ville. Or, Jean ayant ouï parler dans la prison des actions de Christ, envoya deux de ses disciples pour lui dire, « Es-tu celui qui devait venir, ou si nous devons en attendre un autre ?» Et Jésus répondant, leur dit, « Allez, et rapportez à Jean les choses que vous entendez, et que vous voyez. Les aveugles recouvrent la vue, les boiteux marchent, les lépreux sont nettoyés, les sourds entendent, les morts sont ressuscités, et l'évangile est annoncé aux pauvres. Mais bienheureux est celui qui n'aura point été scandalisé en moi. » Et comme il s'en allait, Jésus se mit à dire de Jean aux troupes, « Qu'êtes-vous allé voir au désert ? Un roseau agité du vent ? Mais qu'êtes-vous allé voir ? Un homme vêtu de précieux vêtements ? Voici, ceux qui portent des habits précieux, sont dans les maisons des rois. Mais qu'êtes-vous allé voir ? Un prophète ? Oui, vous dis-je, et plus qu'un prophète. Car il est celui duquel il a été ainsi écrit, « Voici, j'envoie mon messager devant ta face, lequel préparera ton chemin devant toi. En vérité, je vous dis, qu'entre ceux qui sont nés de femmes, il n'en a été suscité aucun plus grand que Jean-Baptiste, toutefois celui qui est le moindre dans le royaume des cieux, est plus grand que lui. Or, depuis les jours de Jean-Baptiste jusqu'à maintenant, le royaume des cieux est forcé, et les violents le ravissent. Car tous les prophètes et la loi, jusqu'à Jean, ont prophétisé. Et si vous voulez recevoir mes paroles, celle-là qui devait venir. Qui a des oreilles pour ouïr, qu'il entende. Mais à qui comparerai-je cette génération? Elle est semblable aux petits enfants qui sont assis au marché, et qui crient à leurs compagnons. Et leur disent, nous avons joué de la flûte, et vous n'avez point dansé, nous vous avons chanté des airs lugubres, et vous ne vous êtes point lamenté. Car Jean est venu ne mangeant, ni ne buvant, et ils disent, il a un démon. Le Fils de l'homme est venu mangeant et buvant, et ils disent, voilà un mangeur et un buveur, un ami des péagers et des gens de mauvaise vie. Mais la sagesse a été justifiée par ses enfants. Alors il commença à reprocher aux villes où il avait fait beaucoup de miracles, qu'elles ne s'étaient point repenties, en leur disant, malheur à toi, Chorazin, malheur à toi, Bethsaïda, car si les miracles qui ont été faits au milieu de vous, eussent été faits dans Tyre et dans Sidon, il y a longtemps qu'elles se seraient repenties avec le sac et la cendre. C'est pourquoi je vous dis, que Tyre et Sidon seront traités moins rigoureusement que vous, au jour du jugement. Et toi, Capernaüm, qui a été élevé jusqu'au ciel, tu seras abaissé jusque dans l'enfer, car si les miracles qui ont été faits au milieu de toi, eussent été faits dans Sodome, elles subsisteraient encore. C'est pourquoi je vous dis, que ceux de Sodome seront traités moins rigoureusement que toi, au jour du jugement. En ce temps-là Jésus prenant la parole, dit, « Je te célèbre, ô mon Père, Seigneur du ciel et de la terre, de ce que tu as caché ces choses aux sages et aux intelligents, et que tu les as révélées aux petits enfants. Il est ainsi, ô mon Père, parce que telle a été ta bonne volonté. Toutes choses m'ont été accordées par mon Père, mais personne ne connaît le Fils que le Père, et personne ne connaît le Père que le Fils, et celui à qui le Fils l'aura voulu révéler. Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous soulagerai. Chargez mon joug sur vous, et apprenez de moi, parce que je suis doux et humble de cœur, et vous trouverez le repos de vos âmes. Car mon joug est aisé, et mon fardeau est léger.